Le 10 mai, le palais central de la jeunesse à Pyongyang abritait le deuxième séminaire sur l'esthétique architecturale. Y ont pris part les cadres intéressés, les officiels des branches du dessin, des travaux de construction, du contrôle et d'autres, de la science et de l'enseignement, les participants au 17e festival de l'architecture 21 mai. Les orateurs ont expliqué les exploits du dirigeant suprême Kim Jong-un qui œuvre pour un grand essor de la construction, les succès et les expériences dans la création de l'architecture axée sur les masses populaires et aborder les problèmes théoriques et pratiques posés pour matérialiser à fond les idées et théories du parti en matière d'architecture originale et sa politique pour la construction.